les petites histoires de Tell Me. Différent, mais pas trop. Je suis une fille de 9 ans, ordinaire. Je mange des glaces, je fais du cross, je joue du piano, je dévore les livres, j'ai une trottinette et une Nintendo Switch. Rien de fou. J'aime aussi aider les autres. Ça m'a valu d'être élu délégué depuis le CP. Un mercredi matin d'octobre, Monsieur Gros, le directeur, m'a demandé de le suivre alors que j'étais la première arrivée. En chemin, il a beaucoup parlé, je hochais poliment la tête, mais je n'écoutais pas vraiment ce qu'il disait, trop curieuse de savoir ce qui m'attendait. Quand il a ouvert la porte de son bureau, le garçon assis sur la chaise a sursauté. Moi, je suis resté bloqué. Ce garçon n'était pas ordinaire. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi... maigre. Ni des cheveux aussi noirs, une peau aussi blanche, des cernes aussi foncées. Il faisait vraiment de la peine à voir. La seule chose qui sauvait les apparences, c'était ses yeux, si bleus qu'on aurait dit deux piscines baignées de soleil. Mina, je te présente Artus, notre nouvel élève. J'ai sorti mon plus beau sourire pour le saluer. Il a baissé la tête. Artus, Mina est à Truffaut depuis la maternelle. L'école n'a pas de secret pour elle. Et en plus, vous êtes dans la même classe. Alors je me suis dit que ce serait bien si elle t'aidait à prendre tes repères. D'accord ? Un sourire timide s'est accroché à son visage blafard. La sonnerie avait déjà retenti. On a suivi le long couloir du bas, puis monté deux étages. Je lui ai parlé rapidement du programme de la matinée, de Madame Folifon, notre maîtresse. Il m'écoutait sans rien dire. Quand on est entré, tous les copains se sont figés de surprise, de peur ou de dégoût. La maîtresse, elle, a enfilé un sourire radieux. Artus est allé s'asseoir, seul, devant le bureau de Madame Folifon. La classe a commencé normalement, sauf que tout le monde se passait des petits mots. Dans la cour de récré, personne n'osait s'approcher de nous. Les autres se poussaient du coude. Certains avaient les mains devant la bouche. On aurait dit que tous les regards et les chuchotements frappaient Artus comme des balles. Marvin en a profité pour se planter devant nous. « Pourquoi tu traînes avec un moche pareil ?» Marvin, c'est la brute de l'école. Toujours à chercher des ennuis, même si on le laisse tranquille. Parce qu'il est nouveau et il est pas moche. « T'es amoureuse d'un truc aussi laid ?»« Lâche-nous, pauvre slip. »« Moi, je préférerais mourir que d'avoir sa sale tronche. » Artus a souri. On aurait dit qu'il allait avoir un fou rire, mais j'avais l'impression qu'il s'étouffait. Il avait les yeux grands ouverts, comme pour retenir ses larmes de couler. Cette saucisse de Marvin a pris ça pour un défi, il l'a poussé. Il est tombé, j'ai hurlé, le surveillant a surgi, Artus s'est relevé et s'est enfui. Le cornichon n'emmenait pas large. J'ai foncé chercher mon ami. Au loin, j'ai entendu une porte de classe claquer. Je suis entré, une des fenêtres qui donnait sur la rue était ouverte. Je l'ai franchi, Artus était déjà loin. Je lui ai hurlé de s'arrêter, il ne s'est même pas retourné. Je l'ai poursuivi. Et si je n'avais pas été forte en crosse, il m'aurait semé. Il s'est réfugié dans une grande maison. Le portail était mal fermé, et la porte, grande ouverte. J'ai demandé « Artus, je peux entrer ?» Pas de réponse. Je suis quand même entré. « Marvin est une grosse truffe. Avec ce qu'il a fait, il va avoir des problèmes. » Dans tout ce silence, j'ai entendu du bruit. Ça venait de l'étage. Je suis monté, le couloir était plongé dans le noir. « Artus, viens, il faut qu'on rentre à l'école !» Derrière la porte du fond, ça s'agitait drôlement. Que pouvait-il bien faire? Je me suis approché. Le parquet craquait sous mes pieds. Il essayait de se cacher. Sans rien dire, j'ai ouvert la porte qui a tellement grincé que j'ai frissonné. Des ombres ont foncé sur moi en poussant des cris aigus. J'ai hurlé comme quand je me réveille d'un cauchemar. Elles m'ont frôlé. Je me suis jeté par terre. La lumière dans le couloir s'est allumée. C'était Artus. Il était planté dans le couloir, le visage bouffi de larmes séchées. Trois petites filles et deux petits garçons se tenaient derrière lui, tremblants. « N'ayez pas peur, c'est Mina. Elle est gentille. Retournez-vous coucher. » Un truc incroyable s'est produit. Ses frères et sœurs se sont transformés en chauves-souris. Ils ont volté jusque dans leur chambre. Artus a refermé doucement la porte avant de m'aider à me relever. Sans un mot, on est descendu pour s'asseoir sur la marche de la porte d'entrée. On est resté un long moment à regarder l'horizon, puis Artus s'est lancé. « On est presque pareil, tu sais. » J'ai lâché un rire nerveux. « Je te jure, on est juste un peu différents. » J'avais un peu peur, mais j'ai osé lui demander. « T'es un vampire ? C'est comme ça que vous nous appelez. » Un frisson glacé m'a parcouru le dos, mais son regard bleu piscine m'a calmé. « Tu bois pas de sang ? Il a pouffé. C'est une invention juste parce qu'on n'est pas pareil. Comment ça ? Les humains ont inventé des tas de trucs sur nous. Parce qu'ils avaient peur. Pourquoi, je sais pas. En vrai, on peut juste se transformer, et puis on ne mange pas comme vous. Chaque vampire se nourrit d'un truc. Certains se nourrissent de lumière, ils ont vraiment trop de chance. Ceux qui vivent la nuit, ils se nourrissent d'ombre. Papa, c'est les soucis. Alors il écoute les gens qui s'asseyent dans un canapé. Maman, ce sont les sourires. Alors elle est animatrice dans un centre de loisirs. Et toi ? Moi ? Je sais pas encore. C'est pour ça que je ressemble à rien. Dis pas ça. T'as vu mon look ? Et alors ? On s'en moque, non ? C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Mathieu Jonnel et racontée par Arnaud Guillou. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera vraiment plaisir. Chaque jeudi, nous vous racontons une nouvelle histoire. Alors pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast. À la semaine prochaine.